trop de basses. C'est une simulation de rectifier. Mais il y a trop de basses. Et pourtant, je les ai toutes enlevées. Thank you.